boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. S'appelle Come On Over, le groupe c'est The Royal Blood. Ce soir c'est une émission particulière parce que même si elle aura le goût, la couleur de Pop and Rock, ça sera une émission spéciale Peaky Blinders. Stone on my way to spéciale bande originale des Peaky Blinders. Alors Peaky Blinders, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui retrace la vie d'un gang en Angleterre au début du 20e siècle. Tom Shelby, chef du gang à l'ambition démesurée, grandit dans un univers à la fois violent, romantique, voire psychédélique. Et tout ça dans un bain musical extraordinaire, comme ce qu'on vient d'écouter à l'instant, c'est-à-dire The Queen of Stone Age, et comme ce qu'on écoute maintenant, PJ Harvey. To bring you my love. La bande originale des Peaky Blinders, les auteurs de la série ont choisi un univers musical pour accompagner Tom Shelby. Cet univers musical, c'est celui de Nick Cave and the Bad Seeds, puisque dès le générique, on retrouve la chanson que vous connaissez déjà qui s'appelle Raid Right Hand. Allez, maintenant on va poursuivre avec un autre titre de Nick Cave and the Bad Seeds qui s'appelle Breathless. Up in the morning, it's on the downs, and little white clouds like a gambling lens. And I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he is a helpless before you, and the happy hood of bluebells bow and a bend of veil. Heads all a down, a heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your mind, still your soul, for still the fire of love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs up out of the new made leaves. For it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around and the rabbit hides beneath the ground. For he is defenseless without you. The sky of daytime dies away and all the earthly things, they stop to play. For we are all breathless without you. I listen to my jordering bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your soul, still your mind, but still the fire of the love is true, and I am a breathless without you. Black Rebel, Motorcycle Club. Alors moi qui pensais connaître le groupe avec le nom le plus original, là je pense au Brian Johnston Massacre, et ben finalement il y a au moins aussi étrange avec le Black Rebel Motorcycle Club, là je le fais avec l'accent, avec le morceau que je viens de vous faire écouter qui s'appelle River Styx. Allez, on enchaîne avec une nouvelle découverte, enfin pour moi peut-être aussi pour vous, qui s'appelle, donc c'est un artiste qui s'appelle Don Warbach avec le morceau The Prowl. c'était Falls avec le morceau qui s'appelle Snake Oil. Allez, on est toujours sur RVR avec un pop and rock spécial Peaky Blinders. Et le morceau suivant, si vous ne le connaissez peut-être pas, vous connaissez l'artiste. On écoute Lazarus par David Bowie. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. My brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Your threats have beat me up. You scar the ruins of the day. Well, take your time, Mr. Muscle Man. I'm a girl who can wait. Break this house apart. Yeah, I think it's some go-getter. Yeah, who needs your wicked heart? Just wait till I bloody meat. That's coming from the south. This hell on earth, bad weather. Do your worst, boy, wear it out. Just wait till I feel better. Lazarus, et à l'instant, c'était Maria Danes avec Till I Feel Better. Petite respiration avant de reprendre des vitamines façon Peaky Blinders avec Frank Carter and the Rattlesnakes. There's a devil inside of me, he's holding on, and I don't know if he's staying or for how long. Strings kicking in my mind, and I'm sad to say he's got me thinking about the bad parts of my life. Problem. There's a devil inside of me, and he's holding on, and I don't know if he's staying for how long. Pulling on my heartstrings, kicking in my mind, and I'm sad to say he's got me thinking about the bad parts of my life. There's a devil inside of me, I'm out and if I do. There's a devil inside of me. énergie, hein. C'était donc un instant Headless, précédé de Frank Carter and the Rattlesnakes. Allez, on est toujours bien calé dans PNR, dans Pop and Rock. On avance notre aventure avec les Peaky Blinders et on revient avec un peu plus de calme à PJ Harvey qu'on a déjà écouté, mais maintenant on fait une reprise du morceau de Nick Cave. On écoute donc PJ Harvey avec Red White Hand. Thank you. door live. I adore life. I adore life. I adore de Peaky Blinders recouvre énormément d'artistes, et si vous écoutez Pop and Rock de temps en temps, vous avez peut-être déjà entendu le titre qu'on vient d'écouter. C'était un groupe exclusivement féminin, des musiciens anglaises, une chanteuse française, le groupe s'appelle Savages, le morceau c'était Adore. Allez, il est l'heure de nous quitter, on va terminer cette soirée Peaky Blinders par une balade, la balade de l'homme mince de Richard Hawley. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Into the room with your pencil in your hand, you see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? And somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening, you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Ticket, and you go watch the geek, who immediately walks up to you and hears you speak, and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Jacks to get you facts when somebody attacks your imagination. Nobody has any respect. Anyway, they already expect you to all give a check to tax deductible charity organizations. professors, they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something has happened here, and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Up to you and he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. Without further notice he asks you how it feels, and he says, here's your throat back, thanks for the loan. You know something is happening here, you don't know what it is. Shouting the word now, and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow.